Bonsoir à tous mes petits corbeaux et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur Rage pour une dernière émission, la dernière émission de la saison. Cette saison 3 qui a été pleine de surprises pour vous et pour nous et on est assez émus de vous recevoir pour la dernière émission de juillet, moi-même, votre cher serviteur Stéphane ainsi que ma collègue Nathalie. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane, j'espère que vous allez bien. Ce soir émission un petit peu spéciale, en direct comme d'habitude mais aussi en public. Et en compagnie des Super Choc, le groupe italien dont vous avez parlé la semaine dernière, on vous en a déjà passé. Ce soir, on a la chance de les avoir dans les studios. Alors, pourquoi est-ce que j'ai passé un morceau que je vous avais déjà passé il y a quelques mois en ouverture de cette émission, Poseidotica, avec le morceau Aquatico, un morceau que j'avais découvert sur la bande originale du film Carancho il y a quelques mois, un film argentin. Et pourquoi je vous ramène un extrait de rock progressif et un extrait d'une bande originale de film? Eh bien, c'est que de film et de musique et de cinéma, c'est de ça dont il va être question ce soir dans Clair Obscur avec Paolo et Valentina, qu'on reçoit le duo de Super Choc qui présente un projet cinéma et musique très intéressant ce soir. Paolo, bonsoir. Bonsoir. Et Valentina, bonsoir. Bonsoir. On va se faire une idée de votre musique, donc un rock progressif psychédélique assez sympa avec un extrait de ce dernier spectacle que vous êtes venu présenter à Avignon, Nosferatu. un rock très recherché et bien péchu qui nous ramène à la grande époque du psychédélisme des années 70. C'est un extrait de Super Choc et de la musique qu'ils ont préparée pour accompagner le film Nosferatu qui sont venus présenter au Festival d'Avignon cette année, en cette fin de mois de juillet 2011. Et Super Choc, donc, avec ce spectacle Nosferatu qui ne sont pas des nouveaux venus en Avignon. Mais commençons par le commencement, s'il vous plaît, Valentina et Paolo. Vous avez créé le groupe en 2002 à Turin. Mais vous, comment vous êtes-vous rencontrés finalement ? Alors, nous avons commencé à jouer pour le plaisir de jouer. Mais c'était un rencontre humaine avant que musicale. Et puis, ce plaisir est devenu un travail et ça, c'est la chose la plus belle que pouvait passer pour un groupe. Moi, je vais poser des gens d'entrée la question, Bateau. Vous êtes en couple à la ville ou à la vie ou... Oui. On avait dit qu'on dirait pas ça, Nathalie. Non, ça y est, je vais faire gronder. Non, j'avais envie de poser la question people. Vous me demandez parce que vous savez qu'il y avait une certaine complicité entre vous sur scène. Et je me suis dit, allez, tant pis, on va poser la question, quitte à ce que je me fasse engueuler. Oui, oui, c'est ça. J'étais timide. J'ai deviné. Une belle histoire d'amour et de musique, donc, qu'on peut voir sur scène en ce moment pour les derniers jours du Festival d'Avignon. Alors, une question aussi nous brûle les lèvres. Là aussi, une question vraiment bateau. Super Choc, d'où vient ce nom ? Le mascara, je vais te la poser aussi, mais... On n'a pas le droit de citer des marques. Souvent, on nous demande ça. C'est simplement un nom qui nous aimions. Et donc, nous avons inventé ce nom. Nous trouvions simplement amusant ce nom. Et il n'y a pas une histoire particulière sur ça. Mais le mot Super Choc, c'est quelque chose qui fait rime avec rock. Et puis ça laisse des traces, c'est vrai qu'on l'oublie pas, quoi. Tu te prends une baffe avec. Voilà. Donc c'est quelque chose qui pour nous est fort, et donc nous avons toujours utilisé ce nom. C'est super, ça crée un choc quand on l'entend, Super Choc. Ça tombait sous le sens, c'est un peu facile quand même si je pouvais me permettre, mais vous vous rattrapez bien avec la musique que vous nous proposez. Alors un style musical que vous définissez vous-même comme de l'indie rock avec des tendances psychédéliques. Je vous avoue que c'est pas aussi évident que ça de prime abord. Quand on découvre en tout cas le travail que vous faites pour accompagner des projections de films. Moi, la première idée qui m'est venue quand j'ai écouté Super Choc avec l'album Caligari que vous aviez sorti il y a 2 ans, ça a été vraiment une impression de rock progressif très, très inspiré par les années 70. Et même si ce n'est pas une influence que vous revendiquez, moi, français, qui connais surtout Goblin pour le rock progressif italien, c'est tout de suite la référence à laquelle j'ai pensé, puisque Goblin était un groupe qui faisait notamment les bandes originales des films de Dario Argento. Et vous, ce n'est pas une influence que vous revendiquez, donc je me demandais quels sont les groupes qui vous ont, vous, influencé. Mais oui, nous connaissons les Goblin, mais en réalité, je n'ai jamais beaucoup écouté groupe comme celle-là. Et donc, nous avons commencé à faire la musique quand nous étions des ados, et donc dans les années 90, donc avec le grunge, avec l'indie rock, et la psychédélie que nous aimons beaucoup, c'est la psychédélie de Pink Floyd. Et donc, avec les sonorisations, nous avons chercher à mélanger la puissance du rock des années 90 avec la psychédélie. Et à notre, normalement, nous n'écoutons pas beaucoup les sonorisations d'autres bands ou d'autres groupes, oui, voilà, d'autres artistes. Et pas pour être snob, mais simplement parce que nous, je préfère avant tout faire la mienne, avec la nôtre, avec Valentina. Ah, tu ne veux pas être contaminé par le travail des autres, c'est ça? Oui. Et après quelqu'un, c'est plus facile de voir des films avec des musiques différentes, peut-être les mêmes films, par exemple Nosferatu ou Metropolis, avec d'autres musique, et tu penses que la tienne, c'est la meilleure. Voilà. Et toi, Valentina, quel groupe t'ont influencé avant Super Choc? Alors, j'aime beaucoup la musique classique aussi. J'ai pratiqué beaucoup de la danse, donc j'aime beaucoup le, je ne sais pas, Bolero de Ravel, et ça a influencé aussi notre musique. Mais j'aime surtout les Radiohead, j'aime les années 90. Et donc je crois que la psychédélie, ça vient de la l'exigence d'être plus narratif, surtout dans l'approche avec les colonnes sonores, avec les films. Et, mais nous avons la musique, donc beaucoup d'influences sont dans notre musique. Quelque chose qui m'a intrigué, mais qui résume assez bien les choses, et vous venez de le faire en partie, c'est que vous citez des groupes comme des grosses références psyché des années 60 comme Pink Floyd, mais vous citez aussi des groupes plus récents des années 90 et qui ont une énergie, une hargne qui n'existait pas forcément à l'époque, comme les Smashing Pumpkins. Mm-hmm. Et donc finalement, vous ne les avez pas cités à l'instant, mais vous en avez parlé souvent avant. Et donc on a l'impression que vous faites un petit peu le pont entre ces références-là et que vous appliquez le tout aux films qui vous ont plu et que, comme vous l'avez si bien dit, vous sonorisez sur scène. Et maintenant, l'influence du cinéma. Alors là, vous êtes créé en 2002, vous allez fêter bientôt vos 10 ans, on espère que ce sera avec bonheur, et vous êtes créé à Turin. Et Turin, on sait que, bon, je dis pas que c'est comme Manchester pour l'Angleterre, mais c'est une ville industrielle, et c'est la ville où il y avait les premiers studios de cinéma en Italie avant que Cinecittà soit créé à Rome. Et donc je me demandais si à Turin, est-ce qu'on pouvait ressentir une influence particulière du cinéma? Alors, à Turin, Turin, c'est la ville du Musée national du cinéma. Et donc, dans la Mole Antonelliana, qui est le monument de Turin, il y a ce grand musée très beau à voir. Et donc, nous travaillons avec eux, et c'est très importante l'activité cinématographique qui est faite à Turin. Et Turin, c'est une ville industrielle, mais qui a un très beau underground, soit dans la musique, soit dans le cinéma. Et donc, c'est pour cette façon que beaucoup de groupes sont sortis par là, et beaucoup de films, beaucoup de courts-métrages sont produits à Turin. Donc pour nous, c'est vraiment un endroit très, très artistique. Il y a beaucoup de cinéastes, il y a beaucoup de gens qui travaillent très bien à Turin. Et c'est aussi pour ça que nous avons approché au film. C'est un endroit qui vous inspire, on a l'impression, à t'entendre, que vraiment ça vous parle, ça vous aide à créer justement. Parce que c'est vrai que Metropolis ou Nosferatu, c'est quand même des films d'exception. Oui. Moi, je me suis demandé pourquoi ces films, d'ailleurs. Mais c'est aussi pour... alors, Turin, c'est la ville de la Fiat. Donc, c'est une ville très industrielle. Et la choix, pour exemple, de Metropolis a été lié à des événements qui sont venus dedans des usines. Parce que nous sommes très affascinés. Nous voulons affronter les thèmes de l'actualité, de la contemporanéité. Donc, ces films sont une façon aussi pour parler de thématiques contemporaines. Nosferatu, c'est la vampirisation de la société, c'est le vampire qui rend tous les gens même au-dessus de son niveau. Donc il y a beaucoup de choses qui les approchent à notre époque. Et effectivement, tout à l'heure, je faisais le parallèle un petit peu osé entre Manchester en Angleterre, et qui a inspiré des groupes comme Joy Division et toute la Cold Wave, et vous, Turin, en Italie, qui vous inspirez justement, qui vous retrouvez dans des films comme Metropolis, parce que finalement, vous venez d'une ville industrielle. Je suppose que dans votre famille, dans vos amis, il y a forcément un ouvrier des usines automobiles quelque part. C'est aussi quelque chose qu'on retrouvait dans l'Angleterre des années 70, qui a donné naissance à un mouvement musical qu'on aime beaucoup dans Clair Obscur. Clair Obscur, un terme qui vous inspire aussi, puisque vous sonorisez des films en noir et blanc, des films dont les contrastes sont très forts. Voilà, on reste dans la thématique de l'émission. Et donc, comment en êtes-vous venu à faire des ciné-concerts? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez complexe à monter au niveau technique. Il faut avoir l'inspiration pour le faire. Pour vous, c'est le goût du cinéma est venu assez naturellement, donc par rapport à l'endroit où vous avez vécu. Mais finalement, le fait de faire un ciné-concert, de mettre ça en place, quelque chose d'aussi complexe à faire, comment ça s'est fait? Alors, pour commencer, Valentina a étudié le cinéma, et donc elle aime beaucoup le cinéma en général. Et nous avons travaillé, avant de commencer à faire le ciné-concert il y a 6 ans, aussi en théâtre. Et donc, nous avons appris comme pouvoir utiliser notre musique, et pas seulement pour faire des concerts, mais aussi pour faire des spectacles. Qui c'est une chose que nous avons découvert être quelquefois un petit peu différent. Et donc, nous avons décidé d'essayer à faire un concert ou un spectacle différent. Et lorsque Valentina aimait le cinéma et donc elle connaissait de l'expressionnisme allemand, nous avons eu l'idée d'essayer à faire la première sonorisation, le premier, nous l'appelons ciné-concert, et qui en effet était Nosferatu. Comme nous travaillons donc, et la première chose c'est de regarder beaucoup de fois le film, parce que on doit tout de suite apprendre vite le rythme du film. Quand tu as appris le rythme du film, tu dois faire une transposition sur le rythme musical. Oui, mais attends, à force de le regarder, tu as quand même des images, oui, qui te parlent, tu ressens quelque chose en toi, tu imagines déjà des phrases musicales. Ah, oui. Elle a raison, tu t'en imprègnes. En effet, le rythme du film est donné par le montage, par exemple, et il y a un réel rythme. Et donc, quand tu fais une traduction d'un point de vue musical, tu peux commencer à faire quelque chose qui les personnes peuvent comprendre. Et après, on choisit, on crée vraiment la musique, on va composer l'harmonie, les mélodies, on va choisir quel instrument on utilise. Normalement, nous utilisons toujours la guitare, la basse, la voix, qui sont notre instrument, mais on doit décider si une sonorisation est, par exemple, est très rock, ou si une sonorisation est plus acoustique, comme par exemple le cabinet du docteur Caligari, qui est plus acoustique que Nosferatu ou Metropolis. Et après, on doit apprendre à jouer bien le spectacle, et les jeux sont faits. Que tout s'enchaîne et que tout passe, faire passer un message, quoi. Moi, j'ai vraiment ressenti pour avoir vu Nosferatu, qu'il y avait un message à faire passer, qu'il y avait des émotions qui passaient à travers votre musique qu'on n'avait pas dans le film et vice-versa. C'est vrai. Je trouvais qu'il y avait une bonne complémentarité. Donc, merci, ouais. C'est vrai, en effet, il y a une autre chose différente par rapport aux autres sonorisations. C'est le fait que j'utilise la voix et je chante comme dans le rock normal, donc j'utilise des mots et il y a des textes, qui c'est une chose je crois presque unique dans le monde du ciné-concert. Et donc nous écrivons des textes qui ont quelque chose à... Alors je me permets de faire un aparté à propos du texte s'il te plaît, parce, oui, que des Italiens on s'attendrait, enfin c'est pas aussi évident que ça évidemment chez nous non plus, mais on s'attendrait à ce que vous chantiez en italien tout simplement, et en fait vous chantez en anglais. Alors je comprends bien que c'est par rapport aux influences que vous revendiquez, oui, ça je comprends tout à fait, mais dans la mesure, alors là je vais être un petit peu mesquin dans ma question, mais tu vas comprendre, le fait de vous inspirer d'un film expressionniste allemand, le fait d'accompagner musicalement la projection d'un film expressionniste allemand, eh bien on pourrait aussi tout simplement s'attendre à ce que vous chantiez en allemand. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a effleuré comme idée ? Mais je crois que cette chose, c'est pas trop vrai. Parce que il y a 100 ans, pouvait être vrai. Aujourd'hui, pas. Aujourd'hui, nous sommes la génération de la musique qui est entendue à travers la télévision. Et c'est jamais en allemand, en Italie. C'est jamais en allemand, en France. En Italie, d'accord. Et donc, en outre, je crois qu'aujourd'hui, il y a une langue qui c'est plus universelle, qui c'est l'anglais. Et donc, c'est pas seulement pour un choix stylistique de notre musique, mais c'est surtout parce que je crois que Metropolis, c'est pas seulement un film allemand, mais c'est un film, oui, c'est un film allemand, mais c'est un film qui est tellement universel. Ouais, je suis d'accord. Que avec une musique de cette année fait comme le rock, doit être anglais, parce que le rock c'est anglais. Pour moi, la question c'est que j'adore quelques groupes italiens qui chantent italien. Et je ne suis pas capable, simplement. Donc, j'ai toujours écouté des groupes comme je commençais par les Beatles, par le Pink Floyd. Et donc, pour moi, d'un point de vue instinctif, quand j'entends des sons comme les sons du rock, pour moi, c'est normal avoir... C'est de l'anglais. Oui, c'est en anglais avoir des sons. Je répète, j'aime beaucoup des bands qui peuvent chanter en italien. Ils sont super, mais pas nous. C'est pas la langue naturelle du rock, c'est vrai. En plus, je crois que c'est aussi l'utilisation de la voix dans notre sonorisation, c'est un utilisation particulier. Donc, on fait une recherche très longue sur la voix comme instrument, comme les autres. Ils ne chantent pas souvent des mots, mais ils chantent aussi des vers, de la musique. Et donc, avant tout, la musique de Super Choc est musique. Et les mots sont une chose qui va s'ajouter à ça. Alors Nathalie, tout à l'heure, parlait du sentiment qu'elle et moi, on a eu en voyant votre spectacle ce week-end, puisqu'on a eu la chance d'aller vous voir. Et alors, quelque chose qui, moi, m'a impressionné, c'est que, bon, comme pour d'autres ciné-concerts, hein, c'est pas l'impression que j'ai eue seulement par rapport à vous. Tout d'abord, quand les images sont projetées et qu'on voit les musiciens sur scène dans le cadre d'un petit théâtre, on regarde d'abord les musiciens. C'est eux qui accaparent l'attention. Et après, on passe sur le film. Exactement. Et après, tout... Alors, évidemment, on est un petit peu amusé par Valentina qui est toute menue et qui est derrière sa basse qui a l'air immense. On est intrigué par Paolo qui, vous êtes pour Avignon, vous êtes tous les deux seuls sur scène. Donc, vous avez un pad, un pédalier avec lequel vous gérez les autres instruments. On est intrigué un petit peu par le côté technique et peu à peu, on est sous le charme et on se concentre sur le film. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez régulièrement ou est-ce qu'il y a des spectateurs qui restent vraiment focus sur vous ? Oui, c'est absolument toujours ça. Sûrement, dans les théâtres les plus petits, notre présence physique, c'est plus forte que dans les grands parcs à l'ouvert. Donc, mais ça, c'est quelque chose avec laquelle nous jouons aussi. Parce que c'est vrai que c'est un ciné-concert, c'est vrai que le film, c'est la chose la plus importante, c'est peut-être, mais c'est vrai que c'est un spectacle vivant. Donc, notre présence, nous ne cherchons jamais à la mettre dans une deuxième... À la cacher, merci. Oui, et nous utilisons des lumières très, très basses et nous utilisons le jeu d'ombre. Mais nous existons, nous faisons de la musique en vivant, donc pour nous, c'est important que les gens, s'ils veulent, peuvent nous regarder. C'est vrai que moi, c'est cette impression que j'ai eue, c'est qu'au début, je vous regardais vous. Après, je me suis laissée attraper par le film, mais je vous voyais quand même sur les côtés, ça faisait un plus. Eh oui. L'un n'allait pas sans l'autre, mais il y avait vraiment un jeu avec les deux. Donc finalement, je regardais les deux. Je me suis rendu compte, c'est à la fin du film, c'est que le film est fini. Ah mince, parce qu'ils ont arrêté de jouer. Eh oui, oui. Voilà, c'était le. C'est vrai que ça va vraiment bien ensemble. Moi, je me suis régalée. Donc je fais un appel ailleurs à nos spectateurs. Si vous avez l'occasion de passer les voir, faites-vous plaisir parce que vraiment, ça vaut le détour. Pour le moment, on va revenir un petit peu dans les productions passées, puisque vous nous parliez de Métropolis, qui est quand même un monument du cinéma et quelque chose que vous avez eu, une œuvre que vous avez eu beaucoup de plaisir à sonoriser. On va en écouter un extrait de la musique que vous avez composée pour Métropolis, le fameux chef-d'œuvre de Fritz Lang. Tout de suite, une composition de Super Choc pour vous faire une idée de ce dont ce duo est capable. Voilà, un mélange de rage et de douceur entremêlée dans cette musique que Paolo et Valentina aient composée pour le film Metropolis. Il y a de cela quelques années, c'était une de leurs premières expériences ciné-concert et ils en ont fait bien d'autres depuis. Retour sur Rage dans Clair Obscur, vous nous écoutez sur le 90.3, mes petits corbeaux sur le 102.5 du côté de Nîmes et sinon sur le www.rage.fr. Sur le Facebook aussi, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, il y a aussi le MySpace et bientôt Google+, même s'il est en bêta-test. Ça va venir, on va vous polluer les ondes jusque sur Facebook et sur Google+. Mais pas pendant le mois d'août puisqu'on fait une pause et que ce soir est la dernière émission de la saison 3 dans laquelle on a le plaisir de recevoir deux musiciens qui se produisent au Festival d'Avignon pour les derniers jours à venir jusqu'à ce week-end. Il s'agit de Valentina et de Paolo du projet Super Choc qui ont donc composé le morceau qu'on vient d'écouter, un extrait de la bande originale de Metropolis, un ciné-concert qu'ils avaient fait il y a quelques années, disais-je, et qui est donc une habitude, on va dire, une habitude dont on est assez heureux puisqu'ils sonorise, comme ils le disent si bien, des films expressionnistes allemands. Alors, beaucoup y sont passés. Hein. Nosferatu, qui est joué en ce moment, Metropolis, quoi d'autre, Caligari, que vous aviez joué l'année dernière à Périgueux. Metropolis, vous l'aviez présenté il y a 2 ans à Avignon, c'est bien ça? Oui, exactement. D'accord. Et un autre, nous avons fait aussi Le Golem, qui est la 4e sonorisation. Un autre, on peut dire que, oui, nous faisons le ciné-concert, mais aussi des disques, des albums. Et donc, nous avons fait 6, si je ne me trompe six, pas, 6 albums. Oui. Nous cherchons à rendre la musique des ciné-concerts une musique aussi adaptable aux albums et donc aux concerts. Et donc, beaucoup de fois, des personnes qui nous voient jouer dans les ciné-concerts nous demandent comment nous faisons les concerts ou quand nous faisons le concert pour nous voir. Et grâce aux ciné-concerts, nous avons appris à faire les concerts seulement musicaux dans une façon totalement différente. Et je pense que dans les années 60 ou 70, les concerts pouvaient être comme les nôtres aujourd'hui. Donc, on va jouer pour 2 heures sans interruption. Il y a beaucoup de psychédélie et c'est un voyage mental pour nous et pour le public. Et ça, c'est une chose en Italie. Très nouvelle, parce que normalement dans les concerts on fait un morceau et après le public frappe. Il y a un peu une petite pause, le public applaudit et on rattaque, il n'y a pas de continuité. Voilà, et donc le ciné-concert a nous enseigné cette chose. Nous travaillons aussi avec des vidéo-artistes. Donc, nous avons fait ces ciné-concerts sur des films qui existaient déjà. Mais nous travaillons avec des jeunes vidéo-artistes en Italie, avec Pietro Clarizia et d'autres pour faire des... Ils sont les artistes qui font les images sur nous. Donc, il y a le travaux totalement opposé. En plus, nous avons fait une colonne sonore pour un film qui s'appelle Voyage à New York, fait par Ezio Gribaudo, qui est un artiste très connu en Italie, et qui est un peintre. Et donc, nous faisons vraiment beaucoup de travaux différents. Ah zut, parce que là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que, comme à chaque interview, on a une question méchante, et c'est moi qui m'y colle en général, parce que je fais ça bien. C'est lui le méchant, oui. Voilà. Et en fait, oui, une question qui m'est venue assez spontanément quand j'ai observé tout le travail de Super Choc. Donc, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de dichotomie dans votre œuvre, il y a une certaine continuité, mais c'est vrai que vous tenez à faire, d'une part, les ciné-concerts qui vous tiennent vraiment à cœur et dans lesquels il y a une certaine continuité, et d'autre part, de la musique, des albums conçus pour la scène, mais dans lesquels c'est beaucoup plus traditionnel, comme un groupe de rock tout à fait normal. Et je veux dire par là que vous êtes un groupe de rock qui n'est pas tout à fait normal, si vous me permettez cette petite, petite expression. Et, dans la bouche de Stéphane, c'est un compliment. Alors, merci. Néanmoins, quelque chose que je me demandais, même si ça peut paraître un peu méchant de ma part, Vous avez sonorisé, comme vous dites, plusieurs monuments du cinéma en général et du cinéma expressionniste allemand en particulier, donc Metropolis, Caligari, Nosferatu aujourd'hui. Tu parlais de Golem, c'était un film que je ne connaissais pas. D'accord, c'est très bien, mais rien qu'avec ces quatre-là, vous avez déjà fait pratiquement le tour. Et des films expressionnistes, alors vous pouvez peut-être en dénicher d'autres, les cinémathèques en France, en Italie ou ailleurs, trouvent toujours des vieux films et les remettent au goût du jour. Mais au bout d'un moment, vous aurez fait le tour du sujet. Et est-ce que vous n'avez pas peur, finalement, de perdre un petit peu l'inspiration, que ces vieilles images ne vous parlent plus de la même manière qu'elles vous ont parlé jusqu'à présent? Je sais que bon, le cinéma muet se prête à d'autres exercices. Je sais que vous avez travaillé sur Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, par exemple. Oui, c'est vrai. Et là, Valentina, tu viens de parler donc, d'expériences beaucoup plus contemporaines avec des vidéastes actuels et avec lesquels vous travaillez. Donc, je me doute bien que vous êtes capable de rebondir. Ah, ça, tu t'es fait couper l'herbe sous le pied. Voilà, je me suis fait casser. Là. Mais quand même, au bout d'un moment, est-ce que vous allez être fatigué? Vous n'avez pas peur d'être fatigué du cinéma muet et des ciné-concerts? Mais maintenant, nous ne sommes pas fatigués. J'entends bien, oui. Voilà, d'accord. Mais quand je serai ennuyé, je ferai quelque chose d'autre. Je crois que chaque fois, par exemple, j'ai vu... Murnau a fait beaucoup de films. Et chaque film de Murnau, c'est un chef-d'œuvre. Et donc, quand tu vois quelque chose de nouveau, tu peux découvrir quelque chose dedans toi-même. Et donc, c'est là-bas que tu trouves l'inspiration pour faire quelque chose de nouveau. Chers amis, quand il dit là-bas, il est en train de tapoter son cœur. Hein, je vous le dis derrière votre poste. Voilà. Et donc, les chemins de l'inspiration, c'est pas fini, quoi. C'est limité. Ah oui. C'est le moi, oui. Et un autre, puisque nous travaillons beaucoup avec, comme je disais avant, le théâtre, la musique, la vidéo art. J'espère un jour de faire quelque chose avec la danse. Et, parce que c'est plus facile quand tu te laisses aider par les autres. Et donc, ta partie, tu dois la faire seulement toi. Et la musique, c'est seulement à toi. Mais si tu es capable à lier ta musique à quelque chose d'autre, c'est comme dans la période du classicisme, c'était l'opéra. Dans la période du romanticisme, c'était le ballet. Et donc, la musique la plus haute, et je parle pas seulement de musique haute comme le Pink Floyd, mais peut-être aussi plus comme Mozart, comme Tchaïkovski. La musique la plus haute était dans un caveau. Et donc, ça me fait réfléchir que la musique la plus haute n'était pas sur la scène. Et donc, nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes déjà sur la scène. Et j'espère que, avec le cinéma, nous aurons toujours la chance d'avoir... l'inspiration et de voir toujours des films riches de sujets, riches de thèmes. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Finalement, la question méchante, là, à plat. Hein. Non, mais il s'en est très bien sorti. C'est vrai que bon, la collaboration avec la danse, là, tu nous as mis l'eau à la bouche. On attend de voir ça. La suite. Alors, par contre, maintenant, concrètement, vous êtes un groupe qui a un projet original et qui, donc, n'est pas forcément facile à vendre, entre guillemets. Passez-moi l'expression. En gros, on risque pas de vous voir sur les chaînes de Berlusconi. Hein. Mm-hmm. En gros, voilà. Désolé, hein, mais... Oh, les têtes non, qu'ils ont tirées, vous n'avez pas la webcam, mais là, il y a eu un petit côté Roger, quand même. Je précise aux auditeurs, là, il y a... Non. Ça a passé le circuit, le système nerveux, là. Chez eux aussi, en 2012, il y a des échéances électorales. Et oui. Donc, alors, je me demandais, comme ben, les groupes en France, en Italie et ailleurs, vous avez des structures de production assez alternatives, j'imagine. Je sais que, alors, pour les disques, je ne sais pas, je crois que vous avez créé un label ou vous êtes en collaboration avec un petit label de Turin. Mais nous avons notre propre association. Association culturelle qui s'appelle Musica Teatro, avec laquelle nous faisons la production. Et donc, des disques et des concerts. Des disques, des concerts, des tournées, de tout. Mais nous faisons toujours en collaboration, les choses en collaboration avec beaucoup des institutions qui sont notre région, la province de Rhin, la ville de Touraine. La région Piémont, c'est ça? La région Piémont, voilà. Et par exemple, pour les albums, nous faisons la production, c'est-à-dire que je préfère payer avec mon association toutes les choses parce que comme ça, je peux décider tout. Tu restes maître de tout. Tout à propos du son, du. Mais quand c'est le moment de vendre, donc aller dans le shop, dans le magasin, on a toujours une édition, une label qui nous aide, qui et je crois que maintenant tous les labels indie du monde font comme ça. Et un autre aussi pour, par exemple, ici nous sommes ici à Avignon, je le dis en italien. Non mais c'est mignon, c'est exotique, on aime beaucoup. Et pas seulement avec notre même force, mais aussi avec l'aide de la région Piémont. Oui, notre spectacle fait partie d'un projet qui s'appelle Farandola l'Italienne, qui est un projet qui amène 5 compagnies italiennes à Avignon. Et nous sommes ici à partir du 20 juillet jusqu'à la fin du festival, parce que avant nous, il y avait 2 autres compagnies qui maintenant ont terminé leur spectacle. Et dans ces jours, et ensemble à notre spectacle, il y a les aventures di Pinocchio au théâtre Buffon le matin à 10h30. Et donc nous sommes tout un grand projet subventionné. Subventionné. C'est pas évident à dire. Ouais. Et non, c'est pas facile. Et par la région Piémonte, qui est vraiment une région active, très culturelle, qui aide les jeunes. Et donc, nous sommes vraiment très indépendants, mais aidés, parce que sans aucune aide, tu réussis. Tu manges pas, comme on dit en France, tu vis pas. Oui. Non, faut reconnaître, c'est pas pour faire du cirage de pompe, mais que pour une fois qu'il y a un investisseur institutionnel qui soutient quelque chose d'un peu alternatif. On va dire bravo. Ouais. Eh oui. De l'autre côté des Alpes. Écoutez, puisqu'on parle beaucoup de ce projet Nosferatu qui est à l'affiche en ce moment et pour lequel vous faites encore quelques concerts jusqu'à la fin de la semaine, eh bien on va écouter un autre extrait, qui moi m'a pas mal touché quand je l'ai écouté samedi soir. Je disais que vous étiez capable d'une rage sur scène assez impressionnante et aussi d'une douceur avec des sons de guitare liquides et vraiment agréable. Eh bien, je vais vous en laisser faire une idée, mes chers amis, mes petits corbeaux, avec un autre extrait de la bande originale, j'ai envie de dire. En fait, c'est pas ça, mais de la musique composée par Super Show. Faudra trouver un terme. Pour le film Nosferatu. The knife. Décidément, je ne m'en lasse pas. C'était un bonheur sur scène samedi soir pour moi. J'espère que ce sera un bonheur dans le public pour vous, mes petits corbeaux. Non, mais on leur a pas dit, hein, on les kidnappe, on les garde, hein, c'est fini. Hein. Vous ne repartez pas en Italie, c'est fini, on vous garde dans les studios. Hein. Voilà, pour nous. Voilà, on vous séquestre sur Avignon parce que, effectivement, ce que vous faites est vraiment un bonheur d'expérience artistique, à la fois visuelle et musicale. Et donc, on vient d'écouter un dernier extrait de la musique. À chaque fois, j'ai envie de dire bande originale, décidément. La musique composée par Valentina et Paolo, donc de Super Choc, pour le film Nosferatu, et qui est projeté en ce moment sur la scène du théâtre La Luna. Alors, rappelons un petit peu les références de ce spectacle. C'est au théâtre La Luna, donc c'est près de la Porte Thiers, pour ceux qui ne connaissent pas Avignon. C'est à 20h, c'est bien ça? 19h55. Oh là. Et ici, ouais, c'est précis, engueuler, hein. À Avignon, c'est précis. Si on arrive en retard, on n'entre plus. Oui, j'ai cru comprendre que les horaires étaient très, très stricts. Oui, oui, oui, c'est super l'expérience d'Avignon aussi pour ça, parce que c'est incroyable le montage, le démontage, c'est vraiment amusant de faire le spectacle. Et donc nous sommes tous les soirées en scène à la Luna jusqu'au 31 de juillet. Et puis c'est bien parce que nous aimons beaucoup de travailler en France, et à partir de septembre nous travaillerons à une autre production avec un théâtre français qui s'appelle Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, et à partir de janvier nous serons en scène en France avec ce spectacle qui s'appellera Le Pays des Aveugles, avec Nino D'Introna, qui est un très grand acteur italien qui travaille en France, qui est le directeur artistique de ce théâtre. Donc pour nous c'est une très belle collaboration dans ce pays que nous aimons beaucoup, avec aussi un acteur italien, c'est très beau pour nous. Mais aussi nous irons dans le printemps, dans le mois d'avril, à Moyen-Orient, exactement à Beyrouth, et Doha en Qatar et Dubaï. Alors c'est pas la première fois que vous allez à Dubaï, il me semble. Non, et en effet sera la troisième, parce que nous sommes été là-bas déjà deux fois. Et en outre, la première fois que nous avons été à Dubaï, nous avons amené Metropolis. Et Metropolis, c'était la première fois qui était vue pour le peuple. Ça a dû faire un choc à Dubaï, oui, quand même, avec, oui, cette ville hyper-industrielle. En effet, a été vraiment un grand moment quand nous avons fait... Très, très artificiel, oui. Ouais. Oui. Et en outre, nous irons dans le 2012 dans les États-Unis, et... grâce surtout à la production que nous avons fait avec Ezio Gribaudo, le peintre italien. Et donc, il sortira en DVD, c'est peut-être aussi distribué en France, mais je ne sais pas les coordonnées. Donc mais tu nous le diras le tu moment. Tu nous tiendras au courant. Et oui, absolument. Et dans notre site internet, c'est peut-être, on peut aussi voir les oui. nouvelles. Avec MySpace et oui. tout maintenant, oui. c'est vrai que c'est facile. Oui. Est-ce que vous reviendrez sur Avignon? Et moi, j'espère. J'aime beaucoup ça. C'est vraiment assez étonnant d'abord, parce que vraiment, c'est difficile, le montage, le démontage. C'est pas seulement le spectacle, mais c'est tout l'ensemble qui c'est est bien, incroyable. C'est... Mais j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Avignon. C'est toujours une très belle expérience. Pour moi aussi. Oh ben vous revenez chez nous quand vous voulez. Hein. Ils sont ouais, professionnels. Merci. T'as vu comme ils nous passent la pommade, ils nous passent la crème solaire, même si en ce moment, c'est pas trop en ce ça. Moment, mais... ouais. Allez, écoutez, donc on a fait un petit peu le tour. On rappelle aussi que pour les gothiques, ou les pas gothiques d'ailleurs, qui ont des enfants, il y a le spectacle de Pinocchio, qui est aussi produit par votre association culturelle, la Musique Art Teatro. Et Musique Art Teatro... En réalité, c'est du Théâtre d'Aosta, c'est une autre compagnie. Ah, sont mais des amis, mais sont des amis, mais c'est pas Musique Art Teatro. Et oui, mais vous, les Italiens, vous êtes comme ça, vous avez des amis partout, on s'y oui. chez nous, on est réservés, on est froid, on fait la gueule, que voulez-vous. Je m'y perds, chers Bienvenue amis. Bienvenue en France. Allez, nous, de notre côté, eh bien, on vous invite vraiment à aller voir le spectacle de Valentina et Paolo, tous les deux sur scène avec le chef-d'œuvre de Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau, qui est des années 20 et qui ne vieillit décidément pas. Nosferatu, qui vieillit bien, surtout. Et, c'est ça qui est beau. Et donc, ouais, Max Schreck, il n'avait pas d'effets spéciaux à l'époque, mais il était déjà super flippant. Donc aujourd'hui, le cinéma 3D, je crois que... je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Enfin bref, nous, on va vous annoncer... T'imagines Nosferatu en 3D? Super choc entre des. Tiens, ben, ça sortira un de ces jours et ils nous tiendront au courant. Voilà, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a reçu Paolo et Valentina pour cette dernière émission. Merci à vous, je vraiment. Je tenais à remercier aussi certains auditeurs qui n'ont pas pu venir ce soir, qui nous écoutent de loin et qui sont présents par le cœur, notamment. Je pense à Yolanda, je pense à Tom, je pense à Evangeline. Je pense à Corinne, moi je pense à... Oui, à Kisa, du côté de Nice. De côté de Lyon aussi, on a notre ami Antoine qui ira sans doute voir Super Choc puisqu'il avait l'air assez intéressé. Je pense à Sandrine aussi sur Perne, donc il y a pas mal de monde. Mais si on commence à faire la liste, là, on y est encore jusqu'à 2h du matin. Et en tout cas, ça fait plaisir que vous soyez aussi nombreux à avoir quelques petites attentions pour votre modeste show préféré. Allez, on va se quitter avec un extrait de Super Choc. Alors, le spectacle qu'ils avaient présenté l'an dernier à Périgueux, dont on vous avait passé un extrait à l'époque, c'était un morceau que j'avais bien aimé. D'ailleurs, je vous le repasse ce soir. Je vous le passe deux fois, mais je fais ce que je veux. Il déjà fait d'une. Ce que je veux avec et en plus, cheveux. Quand on aime, on compte pas. C'est le morceau Fandango Twice, un extrait de l'album Caligari, qui était donc la production pour habiller le film assez célèbre de Wiener, si je me trompe pas. Et donc, on va s'écouter ça tout de suite pour se dire au revoir. Merci Paolo, merci Valentina. On vous souhaite le meilleur. On espère vous revoir bientôt. Et en attendant, on vous souhaite que ce soit aux États-Unis, au Moyen-Orient, ou par chez nous plus modestement, vous fassiez une belle carrière. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Allez, bisous. Merci. Gros bisous. Ciao. Bonne nuit. Fête de beaux rêves. Double turns if you're up. Et que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup,